Le reste de la journée, les voyageurs parcoururent les rives de la Vimera. Les grues cendrées et les ibis, poussant des cris rauques, s'enfuyaient à leur approche. L'oiseau satin se dérobait sur les hautes branches du figuier sauvage. Les loriots, les traquets, les épimaques voltigeaient entre les tiges superbes des liliacées. Les martins pêcheurs abandonnaient leur pêche habituelle. Tandis que toute la famille plus civilisée des perroquets, le Blue Mountain, paré des sept couleurs du prisme, le petit Rothschild à la tête écarlate, à la gorge jaune, et le lory au plumage rouge et bleu, continuaient leur assourdissant bavardage au sommet des gommiers en fleurs. Ainsi, tantôt couchés sur l'herbe, au bord des eaux murmurantes, tantôt errant à l'aventure, entre les touffes de mimosa, les promeneurs admirèrent cette belle nature jusqu'au coucher du jour. Monsieur Albinette avait dressé le souper sous la tente. Le souper terminé, Lady Helena mit tout son monde d'accord en demandant à Paganel de raconter l'histoire des grands voyageurs australiens. Une histoire promise depuis longtemps déjà. Sur les quatre présentés, Paganel insiste sur le dernier, Stuart, car le 24 juillet 1862, dit-il, 9 mois après son départ d'Adélaïde, le continent venait d'être traversé pour la 4e fois. Stuart inscrivit sur un arbre les initiales JMDS. Et à la cime de l'arbre, il fit déployer le drapeau australien. Dans une boîte de fer blanc, il inscrivit « Grande exploration et traversée du sud au nord de l'Australie. Les explorateurs aux ordres de John McDowell Stuart sont arrivés ici le 27 juillet 1862 après avoir traversé toute l'Australie, de la mer du Sud aux rives de l'océan Indien, en passant par le centre du continent. Ils avaient quitté Adélaïde le 26 octobre 1861. Ce fut le 17 décembre que Stuart, après avoir obtenu la grande médaille d'or de la Société de géographie, s'embarqua sur l'Indus pour sa chère Écosse, sa patrie, où nous le reverrons à notre retour. On remercia Paganel et chacun, quelques instants plus tard, dormait paisiblement.